Sous la neige, d'Edith Wharton. Cette histoire, c'est brin en brin, et par main de gens, qu'elle m'a été contée. Et comme il arrive d'habitude en pareil cas, j'ai entendu chaque fois une version nouvelle. Si vous connaissez Starkfield, bourgade perdue dans la partie montagneuse du Massachusetts, vous aurez certainement remarqué son bureau de poste. C'est une construction qui date de la fin du XVIIIe siècle, en briques rouges, avec un fronton de bois peint en blanc et un péristyle à colonne. Ce petit édifice classique se dresse au milieu de la grande rue, entre la banque et la pharmacie. Beaucoup de villages de la Nouvelle-Angleterre en possèdent un semblable. Matin et soir, les habitants de Starkfield et les fermiers des environs s'y rassemblent, à l'arrivée du courrier. Parmi eux, vous n'avez pas été sans remarquer la haute taille et le visage tragique d'Eton Frome. C'est là que je le vis moi-même pour la première fois, voici quelques années. Bien que cet homme ne fût plus qu'une ruine, sa physionomie se détachait parmi les autres. Ce n'était pas sa haute taille qui le désignait à l'attention, puisque les Américains de vieille race ont très fréquemment cette stature élancée et mince, mais plutôt sa prestance et sa démarche. Son regard était à la fois triste et volontaire. Il conservait, en dépit d'une claudication manifeste, quelque chose de vigoureux. Son visage sévère, hâlé, fatigué par le rude travail des champs, était d'une indicible mélancolie. Ses cheveux grisonnants, ses yeux glacés, lui donnaient l'aspect de la vieillesse et je m'étonnais lorsqu'on m'apprit qu'il n'avait guère passé la cinquantaine. Ce fut Harmon Gow qui me renseigna sur son âge. Harmon Gow avait autrefois conduit la diligence allant de Starkfield au gros bourg de Bettsbridge, à l'époque où n'existaient pas les tramways électriques. Et il connaissait sur le bout du doigt la chronique intime de toutes les familles qui habitaient ou avaient habité le long de son ancien parcours. « Il a cette tête-là depuis son accident, » me dit-il, hachant ses phrases au gré de ses souvenirs. « Il y aura en février prochain 24 ans que la chose est arrivée. » Ce fut lui aussi qui me narra l'origine de la terrible cicatrice rouge barrant le front d'Eton Frome. Elle datait de l'accident, qui, du même coup, l'avait tordu et noué tout le côté droit, le faisant ressembler à un vieux chêne foudroyé. Depuis lors, le pauvre homme ne pouvait effectuer sans douleur ses quelques pas entre son buggy et le bureau de poste. Tous les jours, vers midi, il venait de sa ferme située à quelques milles de Starkfield, et comme c'était justement l'heure où j'allais chercher mes lettres, il m'arrivait de le dépasser sous le péristyle ou d'attendre à sa suite devant le guichet. Je ne tardais pas à observer que rarement, malgré son exactitude touchante, on lui remettait autre chose qu'un numéro du Bellsbridge Eagle. Sans même y jeter un coup d'œil, il le fourrait dans la poche de son veston usé. De temps à autre, pourtant, le receveur lui tendait une enveloppe adressée à Mrs. Zenobia ou Zina Frome, et qui montrait en gros caractères l'adresse d'un fabricant de produits pharmaceutiques et le nom d'une spécialité. Ces papiers rejoignaient aussitôt le journal, comme si le porteur était blasé à force d'en recevoir. Après quoi, il remerciait l'employé d'un petit signe de tête silencieux et sortirait. Chacun dans Starkfield le connaissait. On le saluait au passage, mais on respectait son désir d'isolement, et seuls quelques vieillards se risquaient à l'aborder. Dans ces occasions, Frome s'arrêtait un instant, ses yeux bleus fixés gravement sur l'interlocuteur, mais il répondait d'une voix si basse que jamais aucune de ses paroles n'était parvenue jusqu'à moi. Puis il remontait péniblement dans son buggy délabré, rassemblait les guides dans sa main gauche et repartait sans hâte vers la ferme. « Ce dut être un effroyable accident, » dis-je au vieil Harmon un jour en suivant du regard la démarche pénible de Frome. Je songeais à la belle mine qu'avait dû avoir jadis cette tête blonde et énergique de jeune homme. « De la pire espèce, » opina mon informateur. Presque suffisant pour tuer la plupart des hommes. Mais voilà, les Fromes ont le crâne dur, et il y a bien des chances pour que celui-ci atteigne ses 100 ans. Grand Dieu ! Je ne pus retenir ce cri. À ce moment, en effet, Eton Frome venait de monter sur son siège. Il se retournait pour voir si une caisse de drogue était bien calée à l'arrière du buggy, et j'aperçus sa figure telle qu'elle devait être quand il se croyait seul. « Cet homme atteindre 100 ans ? » continuai-je. Mais il a l'air déjà mort et enterré. » Harmon tira de sa poche un bout de tabac en prit une chique et l'enfourna dans sa vieille joue tannée. « Qu'est-ce que vous voulez? Il a passé trop d'hiver à Starkfield. » « Les malins s'en vont, eux. Pourquoi lui, alors, est-il resté ?»« Ah, voilà. Il fallait bien qu'il y eût quelqu'un à la ferme pour soigner son monde. » Il n'y a jamais eu Ketan pour ce métier. D'abord son père, puis sa mère, puis sa femme. Et puis l'accident. C'est ça même. Alors n'est-ce pas, il a bien été forcé de rester, ricana Harmon. Je comprends, mais maintenant c'est eux qui le soignent. Gravement, Harmon passa sa chique dans son autre joue, puis il reprit. Oh, quant à ça, non, c'est toujours Ketan le garde-malade. Dès le premier jour, le vieux conducteur m'avait débité tout ce qu'il savait de l'histoire, mais je pressentais que pour en démêler les fils secrets, il fallait une plus vive imagination que la sienne. Toutefois, une parole d'Harmon s'était gravée dans ma mémoire. Il a passé trop d'hiver à Starkfield. Ah, je devais bientôt comprendre le sens profond de ces quelques mots. Le Starkfield que je connus ne ressemblait guère cependant au village isolé, perdu dans la montagne où s'était écoulée la triste jeunesse d'Ethan Frome. Il était relié maintenant au gros bourg de la région. Le tramway électrique, la bicyclette permettaient aux jeunes gens de descendre l'hiver jusqu'à Bettsbridge ou Shad's Fall et d'y passer la soirée au théâtre, dans les bibliothèques ou aux réunions des jeunes chrétiens. Mais quand arrive la saison froide, quand le village fut immobilisé sous une couche de neige qui s'accroissait sans répit, quand les vents du nord tombant d'un ciel d'acier se prirent à rôder autour des petites maisons de bois qui grelottaient derrière les ormes dépouillées de la grande rue, je commençais à deviner ce qu'avait dû être Starkfield alors qu'Ethan Frome avait 20 ans. J'avais été envoyé par mes patrons pour surveiller un important travail que nous avait commandé l'usine de force motrice à Corbury Junction. Une grève prolongée des charpentiers ayant retardé la besogne, je me trouvais retenu cet hiver à Starkfield, le seul endroit habitable des environs. Dans les premiers temps de mon séjour, je fus très frappé du contraste entre l'air vivifiant du pays et l'apathie des habitants. Lorsque je me promenais sous ce ciel d'un bleu éclatant, je me sentais le sang fouetté. J'étais ébloui par la blancheur ensoleillée des prairies couvertes de neige, où les forêts de sapins épandaient leurs grandes taches brunes. Ce froid sec, la pureté de cette atmosphère toujours lumineuse, m'exaltait. Et je ne pouvais comprendre la nonchalance presque léthargique des gens de Starkfield. Mais quand parut février, tout changea. Le ciel se voila. Les journées sombres et courtes ressemblèrent aux nuits longues et glaciales. La neige s'amoncela autour des frêles maisons, qui parurent recroquevillées sur elles-mêmes. Les habitants du village, la besogne quotidienne achevée, se hâtaient de rentrer chez eux. Pendant les interminables soirées, ils sommeillaient autour du poêle. Toute vie au dehors semblait suspendue. Chacun mesurait ses gestes au strict nécessaire pour se nourrir, se chauffer et accomplir les rares besognes que n'avaient point arrêté les rigueurs de la saison. Je logeais chez une veuve entre deux âges qu'on appelait familièrement Mrs. Ned Hale. Elle était fille de l'ancien notaire du bourg, et la maison du notaire Barnum, qu'elle occupait avec sa mère, était l'habitation la plus considérable de Starkfield. C'était une vieille demeure à fronton classique, supportée par des colonnes blanches. De menus carreaux bleutés piquaient ses fenêtres à guillotine qui regardaient la haute et claire façade de l'église. Elle s'élevait au bout de la rue principale du village. Deux sapins de Norvège introduisaient à son petit jardin que traversait un sentier d'allées d'ardoise. Les deux veuves, bien que réduites à vivre assez modestement, mettaient leur point d'honneur à maintenir la propriété familiale en état. Mrs. Hale était une femme aimable et effacée. Elle avait conservé dans les manières quelque chose de la tradition que figurait cette construction d'un autre âge. Chaque soir, dans le salon meublé d'acajou, au siège recouvert de crin, sous la lampe carcelle qui faisait entendre ses glouglous monotones, j'apprenais un nouvel épisode de la chronique du village, et il m'était plus délicatement raconté. Non pas que Mrs. Hale se crût ou affecta quelque supériorité sociale sur les gens qui l'entouraient. Sa libre façon de juger les événements n'avait pas une telle origine. Une sensibilité plus développée, une éducation un peu mieux soignée, créaient seule cette distance entre elle et ses voisins. Ces conditions me faisaient espérer qu'auprès de Mrs. Hale, je parviendrai à éclaircir les points obscurs de la vie d'Ethan Frome. La mémoire de l'excellente femme était un admirable répertoire d'anecdotes sans méchanceté. Toute question ayant trait à ses relations attirait aussitôt un flot de détails. J'amenais donc la conversation de ce côté, mais je sentis aussitôt que Mrs. Hale se dérobait. Cette attitude n'impliquait d'ailleurs aucun blâme à l'égard de Frome. On devinait seulement qu'elle éprouvait une invincible répugnance à parler de lui et de ses affaires. Quelques bribes de phrases murmurées « Oui, je les connais tous les deux. » Ce fut horrible. Paraissait la seule concession qu'elle put faire à ma curiosité. Le changement de son attitude était si marqué. Il supposait une telle initiation à de tristes secrets que, malgré certains scrupules, je m'adressai une fois encore à Harmon Gow. Tout ce que je pus obtenir de lui fut un vague grognement. « Oh » fit-il, « Ruth Barnum. Elle a toujours été impressionnable comme une souris. C'est elle qui les a vues la première lorsqu'on les a ramassées. Tenez, c'était justement au bas de la maison des Barnum, au tournant de la route de Corbury. Ruth venait alors de s'accorder avec Ned Hale. Tout ce jeune monde était ami. La pauvre femme, elle a eu assez de ses propres malheurs. Les habitants de Starkfield, en cela fort semblables au reste des hommes, avaient en effet assez de leurs propres malheurs, sans se passionner outre mesure pour ceux de leurs voisins. Et bien que tous tinssent le cas de Frome pour exceptionnel, aucun ne réussit à m'expliquer son regard étrange. J'avais beau me dire qu'il était impossible que la misère et la souffrance eussent suffi à le marquer ainsi. J'eusse peut-être fini par me contenter de ces bribes d'histoire, sans l'espèce de provocation qu'était le silence même de Mrs. Hale et le hasard qui bientôt me rapprocha d'Ethan Frome lui-même. Ma résidence à Starkfield m'obligeait à redescendre chaque jour sur Corbury Flats, où je prenais le train pour Corbury Junction. Lors de mon installation, je m'étais entendu avec le riche épicier irlandais Dennis Eady, qui louait aussi des voitures, pour me faire conduire chaque jour à la gare. Vers le milieu de l'hiver, les chevaux de mon loueur tombèrent tous malades, à la suite d'une épidémie locale. La maladie se propageait à toutes les écuries du village et, pour quelques jours, je fus obligé de chercher un expédient. À ce moment, Harmon Gow m'apprit que le cheval d'Ethan Frome était indemne et que son maître consentirait peut-être à me transporter. La proposition m'étonna. Ethan Frome, mais je ne lui ai jamais parlé. Pour quelle raison consentirait-il à se charger de moi? La réponse de Harmon Gow accrut encore ma surprise. Je ne sais pas s'il le ferait pour vos beaux yeux, mais très certainement il ne sera pas fâché de gagner un dollar. On m'avait bien dit que Frome était pauvre et que sa scierie, jointe aux quelques acres pierreux de sa culture, suffisait difficilement à faire bouillir la marmite pendant les mois d'hiver. Toutefois, je ne m'étais pas figuré une misère aussi complète, et je ne pus m'empêcher d'exprimer mon étonnement à Harmon, qui reprit « Oh, ces affaires ne vont pas très bien. » Quand un homme est depuis 20 ans courbé comme une vieille carcasse de navire, sans pouvoir faire ce qu'il veut, il se mange les sangs et perd courage. La ferme de Frome, ça n'a jamais été grand-chose, et vous savez, d'autre part, ce que rapporte aujourd'hui une de ces vieilles scieries. Lorsque Ethan pouvait encore peiner sur les deux de front, du matin au soir et du soir au matin, on avait juste chez lui de quoi vivre. Et encore, même à cette époque, son monde lui dévorait tout, et je ne sais vraiment pas comment diable il s'en tirait. Ça commença avec son père, qui attrapa un coup de pied de cheval en faisant les foins. Le mal lui monta au cerveau, et le pauvre bonhomme jetait l'argent par les fenêtres comme si de rien n'était. Puis ce fut sa mère qui devint drôle. Elle traîna de longues années en enfance. Maintenant, c'est Zina, sa femme. Celle-là passait sa vie à droguer. Au fond, voyez-vous, la maladie et le souci, ce sont les seules choses dont Ethan ait toujours eu son assiette pleine. Le lendemain matin, en mettant le nez à la fenêtre, j'aperçus entre les sapins des Barnum le maigre cheval de Frome. Rejetant la vieille peau d'ours, le maître me fit place à côté de lui dans le traîneau. Toute la semaine, à dater de ce jour, il me descendit à Corbury Flats et me ramena le soir à Starkfield, dans le crépuscule glacial. Le trajet ne dépassait guère 4 000, mais l'allure du cheval était lente, et même quand la neige gelée résistait à la pression de la voiture, nous mettions tout près d'une heure pour faire la route. Ethan Frome conduisait sans parler. Il tenait mollement les guides dans sa main gauche. sur le remblai couvert de neige. Son visage brun se détachait comme le profil d'une médaille de bronze. Il répondait par monosyllabes, sans jamais me regarder, à mes questions et aux légères plaisanteries que je hasardais. Il avait l'air de faire partie du paysage mélancolique et silencieux. On eût dit le symbole de cette désolation glacée, tellement tout ce qui était chaleur et sensibilité semblait enfui au fond de lui-même. Son silence, il est vrai, n'avait rien d'hostile. Je finis par comprendre que cet homme était habitué à vivre dans une solitude morale trop profonde pour qu'on pût facilement pénétrer jusqu'à lui. Cet état, je le présumais, ne résultait point essentiellement de ses malheurs, que je devinais tragiques. Il était surtout la conséquence de tous ces hivers rigoureux passés à Starkfield. Une ou deux fois seulement, j'eus le sentiment de me rapprocher de lui, et ces instants ne firent qu'aviver mon désir d'en savoir davantage. Un jour, à propos d'un travail que j'avais exécuté en Floride l'hiver précédent, je fis allusion à la différence entre les deux climats. À ma grande surprise, Fromm me répondit « Oui, je sais. J'y suis allé autrefois, pendant bien longtemps, moi aussi, en hiver. Je voyais ce pays comme dans une vision. Mais à présent, tout cela est enseveli sous la neige. » Il n'ajouta pas un mot, et j'eus à deviner le reste par le ton de sa voix et le brusque silence qui y suivit. Une autre fois, à peine monté dans mon compartiment, je m'avisai que j'avais oublié sur le traîneau un livre que je comptais lire pendant le trajet. C'était un ouvrage de vulgarisation scientifique, un traité de biochimie, si je m'en rappelle bien. Le soir, je ne pensais déjà plus à mon étourderie lorsqu'en descendant du train, je vis le volume entre les mains de Fromm. « Je l'ai trouvé après votre départ, » me dit-il. Je mis le livre dans ma poche et nous revînmes à notre mutisme habituel. Mais comme nous commencions à gravir la longue côte qui va de Corbury Flats à Starkfield, j'aperçus dans le crépuscule le visage de Fromm tourné de mon côté. Et il y a dans ce livre des choses dont je n'avais pas entendu parler jusqu'ici. Le propos m'étonna moins que l'accent dont il fut prononcé. Évidemment, Fromm était surpris, étant soit peu vexé de son ignorance. « Ces questions vous intéressent donc ?» lui demandai-je. « Elles m'intéressaient, autrefois. » « Il y a quelques nouveautés dans ce livre. On a fait récemment des découvertes importantes dans cet ordre de recherche. » J'attendais une phrase qui ne vint pas et je repris. « Si vous voulez parcourir ce livre, je serai heureux de vous le prêter. » Eton Fromm hésita. J'eus l'impression qu'il faisait effort pour secouer son inertie et me répondre. « Merci. »« J'accepte, » dit-il simplement. Je comptais qu'il s'ensuivrait quelques familiarités entre nous. La modestie de Fromm et sa franchise m'assuraient que sa curiosité avait certainement pour cause l'intérêt réel jadis porté par lui à ces sujets-là. Ses préoccupations et ses connaissances, chez un homme de sa condition, rendaient le contraste encore plus poignant entre sa situation matérielle et ses besoins intimes et, puisque cet incident m'avait permis de satisfaire ses goûts secrets, j'espérais qu'il se déciderait à parler. Mais il y avait dans son passé ou dans sa vie présente quelque chose qui l'empêchait de se livrer. À notre rencontre suivante, il ne fit même pas allusion au livre et notre rapprochement semblait destiné à n'avoir pas de lendemain. Depuis plus d'une semaine déjà, Fromm me conduisait à Corbury Flats, quand un matin, à mon réveil, je vis qu'il neigeait abondamment. La hauteur des vagues blanches massées contre la palissade du jardin et le long du mur de l'église témoignait que la tempête avait duré toute la nuit. Là-bas, en rase campagne, les couches de neige amoncelées par le vent devaient être plus épaisses encore. Je songeai aussitôt que mon train était assurément bloqué. Or, ce jour-là, ma présence était indispensable à l'usine dans le courant de l'après-midi. Je décidai donc que si Fromm venait, je me ferais conduire par lui jusqu'au Flats. Une fois là, j'attendrai mon train jusqu'à ce qu'il se décida à paraître. D'ailleurs, je n'avais pas le moindre doute que Fromm ne vînt. Je le connaissais assez bien pour savoir à quoi m'en tenir. Il était un de ces hommes que nulle difficulté ne saurait détourner de leur tâche. En effet, à l'heure habituelle, je vis venir son traîneau glissant sur la neige, telle une apparition de théâtre qui traverse la scène derrière un léger voile de gaz. Inutile avec lui de manifester étonnement ou reconnaissance. Je ne pus cependant retenir un mouvement de surprise quand je le vis engager son cheval dans la direction opposée à la route de Corbury. La voie est obstruée au-dessous des flats par un train de marchandises, m'expliqua-t-il. La neige bloque le convoi. Mais alors, où me conduisez-vous ? Directement, et par le plus court, à Corbury Junction, me répondit-il, m'indiquant du fouet la Schoolhouse Hill. À Corbury Junction, par cette bourrasque ? Mais il y a bien 12 000. Le cheval les fera, si vous lui en donnez le temps. Vous avez dit que vous aviez du travail à l'usine cet après-midi. Je vous y mène. Il prononça ces paroles avec tant de simplicité que je lui répondis sur le même ton. Vous me rendez le plus grand service. Bah, ce n'est rien. La route bifurqua en face de l'église. Nous prîmes un sentier à gauche qui descendait au milieu des sapins. Il avait neigé si fort que les branches courbées sous leur fardeau blanc faisaient corps avec le tronc des arbres. Souvent, le dimanche, j'étais venu me promener de ce côté et l'on m'avait montré la scierie de Frome qui se dessinait entre les fûts dénudés, presque au bas de la colline. Le vieux bâtiment solitaire semblait agonisé. Sa roue paresseuse se reflétait vaguement dans l'eau noirâtre qui bouillonnait alentour en remous brun. Sous le poids de la neige, ses hangars fléchissaient. Pas une seule fois, Frome ne tournait la tête pendant la descente. Nous commençâmes à gravir la côte suivante, toujours en silence. Après quelques centaines de mètres, lorsque nous eûmes rejoint la grande route, nous rencontrâmes un champ de pommiers grêles. Les arbres se tordaient à mi-pente de la colline, sur un terrain rocheux où des crêtes d'ardoises perçaient la neige par endroits. Au-delà de ce verger s'étendait un champ ou deux qui confondaient leurs limites sous le grand tapis blanc. Un peu plus loin, dans l'immensité monotone du ciel et de la terre, surgissait l'une de ces fermes de la Nouvelle-Angleterre qui semblent élargir la solitude du paysage. « Voilà ma maison, » me dit Frome en faisant un mouvement de son coude estropié. J'étais tellement accablé par la désolation de la scène que je ne sus que lui répondre. Il ne neigeait plus. Sur la pente à nos pieds se dressait la ferme, qu'un pâle rayon de soleil éclairait dans toute sa laideur. Une vigne vierge desséchée pendait au-dessus de la porte, et les murs de bois sous la peinture écaillée semblaient grelotter dans le vent. La maison était plus importante du temps de mon père, continua Frome, mais j'ai dû abattre l'aile tout récemment. Et se servant du bout de sa reine gauche comme d'un fouet, il ramena sur le chemin le vieux cheval qui s'apprêtait à franchir la barrière brisée. Je découvris alors que l'aspect abandonné et minable de la demeure était dû surtout à l'absence de ce corps de logis que nous nommons, dans la Nouvelle-Angleterre, une aile. Cette aile est un appentis réservé au bûcher et à l'étable, généralement relié en équerre au bâtiment principal de la ferme, avec lequel il communique par la chambre à provisions et le magasin à outils. Est-ce par le symbole qu'elle présente, par l'image qu'elle évoque de la vie humaine liée au sol, par ce fait qu'elle détient les sources essentielles de l'existence, la chaleur et la nourriture, est-ce plutôt par la pensée consolante qu'elle suggère, en nous montrant, sous ce dur climat, la possibilité pour les habitants d'accomplir leurs tâches matinales sans affronter les intempéries ? Je ne saurais exactement le dire, mais sûrement cette aile, encore plus que la maison elle-même, figure le centre, le foyer, de toute ferme dans la Nouvelle-Angleterre. Et c'était peut-être cette association d'idées, maintes fois renouvelée durant mes promenades aux environs de Starkfield, qui me faisait distinguer un accent d'amertume dans les paroles de Frome et voir dans cette maison amoindrie l'image même de son pauvre corps ruiné. « Nous sommes bien isolés maintenant ici, » ajouta-t-il. « Mais avant la construction du chemin de fer, on passait beaucoup par chez nous pour aller aux flats. » Il réveilla d'un nouveau coup de guide le cheval qui s'endormait. Puis, comme si la vue de sa maison m'avait mis trop avant dans sa confidence pour qu'il s'obstinât plus longtemps à demeurer sur la réserve, il continua lentement. « J'ai toujours attribué l'aggravation de l'état de ma mère à ce changement-là. Quand les rhumatismes lui vinrent, au point qu'elle ne pouvait plus vaquer à ses affaires, elle prit l'habitude de venir s'asseoir devant la porte et elle regardait pendant des heures entières le mouvement qui se faisait sur la haussée. Une année même, où pendant 6 mois on répara la grande route après les inondations, Harmon Gough fut obligé de passer par ici avec sa diligence et elle avait pris l'habitude de descendre chaque matin jusqu'à la barrière pour lui dire bonjour. Mais une fois le chemin de fer inauguré, il ne vint plus personne et elle ne put jamais comprendre la raison de ce changement. Ce fut une des choses qui la tourmentèrent jusqu'à sa mort. Comme nous arrivions la route de Corbury, la neige se remit à choir, offusquant la dernière vue que nous avions encore sur la maison. Frome, redevenu silencieux, laissa retomber entre nous le vieux voile des réticences. Le vent n'avait pas cessé malgré le retour de la neige. Des rafales capricieuses découvraient de temps à autre un pan de ciel ou quelques ondes d'un pâle soleil qui ruisselaient sur ce paysage chaotique et désolé. Mais le cheval tint bon, et nous parvîmes enfin, malgré la bourrasque sauvage, à Corbury Junction. Au cours de l'après-midi, la tourmente fit trêve. Vers l'est, l'horizon s'était éclairci, et dans mon inexpérience, je me dis que nous aurions une belle soirée. Le plus rapidement possible, j'achevai ma besogne, et nous reprîmes le chemin de Starkfield, avec bien des chances d'y arriver pour le repas du soir. Mais au coucher du soleil, les nuages menaçants se reformèrent. La nuit vint d'un seul coup. Dru et ferme, la neige recommença de choir. Le vent s'était tu, et nous avancions au milieu d'un calme plus inquiétant que les rafales et les tourbillons de la matinée. On aurait dit que les ténèbres elles-mêmes descendaient sur nous et que la nuit d'hiver se collait peu à peu à nos épaules. Le faible rayon de notre lanterne se trouva bientôt noyé dans cette atmosphère angoissante. La connaissance des lieux qu'avait Frome, l'instinct même de son cheval, tout finit par devenir inutile. À deux ou trois reprises, un objet quelconque se dressa comme un fantôme devant nous, indiquant soudain que nous nous égarions. Mais il se perdait presque aussitôt dans l'ombre. Enfin, au moment où nous pensions avoir retrouvé le bon chemin, ce fut la pauvre vieille bête qui se mit à donner des signes certains d'épuisement. Je me rendis compte alors de la légèreté avec laquelle j'avais accepté l'offre de Frome, et je finis par obtenir qu'il me laissât descendre. Je me mis à marcher à côté du cheval, dans la neige, pendant 2 ou 3 milles. Enfin, mon conducteur me désigna un point dans les ténèbres. « Nous voici chez moi, » me dit-il. La dernière étape avait été la partie la plus pénible du voyage. Le froid était piquant, la marche ardue, et j'étais à peu près hors d'haleine. Sous ma main, je sentais battre le flanc du vieux cheval. « Écoutez, Frome, » dis-je, « il n'est pas nécessaire que vous alliez plus loin. » Il m'interrompit. « Ni vous non plus. Nous en avons tous notre compte. » Je compris qu'il m'offrait l'hospitalité. Sans répondre, je passai la barrière de la ferme avec lui. Je le suivis dans l'écurie et l'aidai à dételer le malheureux cheval qui était fourbu. Nous préparâmes sa litière, puis Frome décrocha la lanterne du traîneau et me précéda dans la nuit. Par-dessus l'épaule, il me dit « Venez ». J'avais peine à suivre Frome dans l'obscurité. Je faillis buter dans un tas de neige amoncelé devant la porte. De sa lourde botte, Frome nettoya le pas glissant de la porte, s'efforçant de nous ouvrir un chemin. La lanterne haute, il souleva le loquet et me devança pour me guider. J'entrai à sa suite dans un vestibule obscur et resserré. On apercevait vaguement, dans le fond, un escalier raide comme une échelle. À notre droite, un rayon de lumière indiquait la porte de la pièce dont nous avions vu du dehors la fenêtre éclairée. Avant qu'elle s'ouvrit, je perçus une voix de femme dolente et maussade. Frome tapait du pied sur le linoléum usé pour détacher la boue de ses bottes. Il posa le falot sur l'unique chaise du vestibule, puis il ouvrit la porte. « Entrez, » me dit-il. Pendant qu'il parlait, la voix geignarde se tut. Ce fut cette nuit-là que je trouvai la clé du caractère d'Ethan Frome et que je commençais à reconstituer cette vision de son histoire.